Chapitre 11e. Sitôt dans sa cabine, Harmonie se déshabilla et passa sous une douche bien chaude. Quel délice de pouvoir y rester sans que quelqu'un lui demande de faire vite. Elle s'enveloppa dans son peignoir et s'allongea sur son lit. Elle réfléchissait à la tenue qu'elle allait porter au dîner de ce soir quand elle s'endormit. Lorsqu'elle s'éveilla, il était presque l'heure de son rendez-vous. Elle n'avait que peu dormi, et cependant elle était dans une forme incroyable. Elle sortit de son armoire son fourreau de soie sauvage rouge. Il lui allait à la perfection, car ces derniers temps elle avait perdu beaucoup de poids. Échancré devant et dans le dos, très près du corps, il s'évasait depuis les hanches et retombait sur les pieds en corolle. Elle rêvait d'une robe comme celle-ci pour un mariage. Elle qui n'avait eu qu'une cérémonie à la mairie entre deux témoins inconnus. Ce soir, elle voulait éblouir Jérémy. Elle apporta un soin tout particulier à son maquillage. Des paillettes dorées sur ses paupières et un mascara brun firent le reste. Elle se trouvait plutôt jolie. Elle avait aussi bien meilleure mine que ces derniers jours. Elle prit une étole de soie assortie à sa tenue et à sa pochette. Lorsqu'elle vit dans l'ascenseur le regard des trois officiers italiens, elle sut qu'elle avait eu raison de choisir cette tenue. Au restaurant, le serveur en oublia son plateau pour lui ouvrir grand la porte. Les conversations s'arrêtèrent un instant jusqu'à ce qu'elle arrive à sa table. Jérémy, debout, n'en croyait pas ses yeux. Une fée venait de lui apparaître. Le serveur se dépêcha pour tirer la chaise de la jeune femme, mais Jérémy fut plus rapide. Il l'installa confortablement et se rassit. Si tu voulais que je me bagarre avec tous les mâles de ce bateau, il fallait me prévenir avant. Je ne me serais pas mise en costume. Ils formaient le plus beau couple du restaurant, et tous les convives les regardaient, les admirant. Les regards envieux des quelques femmes présentes confirmèrent ce que tous les autres en pensaient, à savoir un couple parfaitement assorti. Le maître d'hôtel prit le menu et alla le leur donner en personne. « Si vous me permettez, monsieur, madame, vous êtes très en beauté ce soir. Fêtons-nous un quelconque événement ?» Bien évidemment, ils ne purent révéler quoi que ce soit. « Qui sait ?» fit Jérémy en faisant un clin d'œil à l'homme. « Peut-être le saurez-vous dans quelques jours. »« Bien, monsieur, je vous le souhaite, » fit-il en s'inclinant poliment. Il allait repartir lorsque Jérémy lui demanda du champagne. « Une bouteille de Dom Pérignon, monsieur ?» Regardant Harmonie, qui sur un petit signe de tête négatif, lui fit comprendre que pour cette soirée ce serait de trop, il rectifia. « Juste une coupe pour madame et moi, merci. »« Très bien, monsieur, je vous sers immédiatement. » Jérémy prit la main d'Harmonie et la baisa. Cela devient une habitude, c'est si agréable. Pour moi également, faisons de cette petite chose un rituel, mon amour. Il l'embrassa de nouveau et ne lâcha plus jusqu'à ce que le champagne soit servi. Levant sa coupe, Harmonie dit « À l'homme qui m'a redonné l'espoir et la vie. » « Pas entièrement, mais je l'espère plus tard. À toi, mon âme, ma pierre précieuse. » Ils choisirent ensemble leur repas, tagliatelle aux fruits de mer en entrée, puis souris d'agneau confite avec salade. Pour finir, Harmonie choisit des profiteroles et Jérémy la suivit. « Où est Ron ? » s'enquit-elle au bout d'un instant. « Avec ses amis, bien sûr. Je crois même qu'il a une petite copine. Mon amour, nous devons parler avant tout de ta santé. » J'aimerais que demain matin à Rome, tu puisses passer un scanner. Je sais que des examens comme celui-ci ne sont pas vraiment géniaux et surtout pendant une croisière. Cependant, il faut que je sache si mon produit a bien atteint l'effet escompté. N'aie pas peur, ajouta-t-il vivement en voyant Harmonie pâlir. J'ai un ami qui travaille à l'hôpital général. Je l'ai appelé et il sera prêt à 9 heures. J'ai seulement besoin de ton accord. Bien sûr, je t'accompagnerai. Harmonie ne tenait pas plus que cela à cet examen, mais Jérémy avait raison. Elle s'y plia de bonne grâce. « Merci, amour. Je dois aussi te parler de mon deal. J'ai bien cru comprendre que tu devais rendre de gros services à cause de ce remède. Lorsque Ron a été gravement malade, je t'en avais déjà parlé un peu. La seule chance qui s'offrit à nous fut celle d'un remède que me proposait cet organisme d'État en contrepartie de certains services. » Baissant la voix en un murmure quasi inaudible, Harmonie insista. « La CIA, n'est-ce pas ? Oui, c'est cela. Et ils ont de très bons chercheurs à leur disposition. Quelques-uns sont volontaires, d'autres sont obligés d'une manière ou d'une autre, comme toi et mon remède. Oui, je leur dois 5 ans encore de recherche. J'ai tout à l'heure envoyé le téléchargement d'une clé USB, celle que j'avais dérobée à l'homme qui vous a agressé, Ron et toi. Je m'en voudrais toujours de vous avoir mis en danger. Malheureusement, je devais le faire. Sur cette clé, il y a le génome d'un virus qui pourrait anéantir la Terre entière si jamais elle se sauvait ou si quelqu'un de mal intentionné se l'appropriait. Et tu leur as donné, fit Harmonie stupéfaite. Oui et non. J'ai retiré un infime morceau du génome. Tel qu'il est, il est inutilisable. Cependant, il est possible qu'un de leurs chercheurs s'en aperçoive un jour et reconstitue le morceau manquant. C'est pourquoi je dois trouver durant ces 5 années un antidote efficace. Plus bien évidemment le remède que j'ai découvert contre le cancer à perfectionner pour qu'il soit réellement opérationnel. Je ne veux pas te perdre jamais. Je veux pouvoir passer le reste d'une longue vie à tes côtés. Le veux-tu également? Harmonie avait les larmes aux yeux. La gorge nouée par l'émotion, elle répondit. Oui, moi aussi. Même si certaines personnes jureraient que nous sommes devenus fous, ne nous connaissant que depuis 5 petits jours seulement. Je sais, je sens que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je le sais depuis le premier jour où mon regard s'est posé sur toi. J'ai ressenti exactement la même chose ce jour-là et j'en suis resté stupéfait. Désormais, je sais ce que je veux. Mon amour, je te veux, toi, quel qu'en soit le prix à payer. Ils continuèrent leur repas tranquillement, les yeux dans les yeux. À la fin du repas, Jérémy l'entraîna dans un bar avec piste de danse et l'enlaça tendrement. Ils passèrent la soirée dans les bras l'un de l'autre. Vers minuit, Jérémy la raccompagna à sa suite. Cendrillon doit rentrer et se reposer pour être au mieux de sa forme demain. Tu passeras le scanner et ensuite, je te promets une visite de la ville éternelle comme tu ne l'auras jamais imaginée. Il l'embrassa encore et encore, jusqu'à ce que la brûlure de ses reins soit insupportable. Alors il la lâcha. Bonne nuit, amour. Tu ne paies rien pour attendre. Tu m'as rendue quasiment folle et à présent tu vas dormir à quelques pas de moi seule. Je ne suis pas raisonnable, ou du moins pas suffisamment, fit-il en se sauvant. Bien sûr qu'ils eurent du mal à s'endormir. Bien sûr que des milliers de fois, soit l'un, soit l'autre, voulurent se rejoindre jusqu'à ce que la fatigue les emporte dans un sommeil peuplé de rêves magnifiques. Au petit déjeuner, Harmonie ne put pratiquement rien avaler. Jérémy était si nerveux que lui-même ne prit qu'un café serré. Ils se mirent en route dès 8 heures et le taxi les déposa avec une bonne demi-heure d'avance devant l'hôpital. Dans le service, on leur annonça que le docteur McCall allait venir immédiatement. Un homme, la cinquantaine, grand et mince, avec de petites lunettes sur le bout de son nez, fit son apparition. Il serra la main de Jérémy avec le plaisir de le revoir après de longues années et s'inclina galamment devant la jeune femme. Il faudra que l'on parle un de ces jours. Pour le moment, il est bien que vous soyez en avance. J'ai repoussé d'autres personnes et je n'aime pas trop faire cela. Mais que ne ferais-je pas pour mon cher ami? Allons, ne perdons pas de temps. Il les conduisit vers une salle d'attente. Toi, dit-il à son ami, tu restes là bien sagement. Je m'occupe de la petite dame et ne te préoccupe pas, je le fais moi-même. Il pria Harmonie de le suivre. Une petite cabine pour se déshabiller fut mise à sa disposition. Quelques minutes plus tard, elle entrait dans la salle d'examen. Le médecin, aussitôt qu'elle fut allongée dans la machine, entreprit l'injection. Je crois que vous êtes habitué, n'est-ce pas? Ça va chauffer un peu, mais ce n'est rien. Il faut surtout que vous restiez sagement, sans bouger. 20 petites minutes et nous aurons le résultat. Je ne sais pas pourquoi Jérémy veut que vous fassiez ce scanner ici, mais je suppose qu'il a d'excellentes raisons. S'il veut me les communiquer, ce sera bien. Sinon, j'attendrai qu'il soit prêt. Madame, nous y allons. Ne bougez surtout pas. Fermez les yeux et imaginez-vous sur une plage au soleil. L'examen fut rapide. Harmonie suivit les conseils du médecin et fut même surprise de l'entendre lui dire que c'était terminé. Elle se tourna vers lui en attente. Oh, très bien, je vais vous dire. À part un petit nodule sur un de vos reins, je ne vois rien d'autre. Jérémy a dû paniquer pour rien. Je vais le lui dire pendant que vous vous rhabillez. » Harmonie était sidérée. En une nuit, ce médicament avait fait un miracle. Elle comprenait à présent pourquoi il était aussi onéreux et pourquoi également la CIA ne voulait le mettre sur le marché. Seulement une partie de la population pourrait se le procurer, et cela ferait une révolution si ça se savait. De plus, les labos feraient en sorte que ce médicament miracle ne voie jamais le jour, vu ce que leur rapportait un cancer. Elle se rhabilla lentement, savourant ce que le médecin venait de lui confier. Un seul petit nodule au rein. Et si Jérémy s'était trompé, si sur elle il avait définitivement fait disparaître le mal? Non, il fallait être réaliste. Un chercheur aussi renommé que lui se trompait rarement, mais pour une fois elle l'espérait de toutes ses forces. Et quand bien même ce ne fut pas le cas, il lui avait donné une autre vie, plus courte, certes, mais qui sait, beaucoup plus riche, plus remplie d'amour. Qu'est-ce qui était plus important? Vivre 20 ans avec quelqu'un d'horrible qui vous maltraite 5 à 8 ans, avec quelqu'un d'attentionné, de doux, de gentil et qui vous aime? Le choix était vite fait. À présent, elle aussi voulait lui rendre l'amour qu'il lui portait, et elle allait s'empresser de lui démontrer immédiatement. Elle sortit de la cabine et rapidement suivit le couloir emprunté à l'allée. Elle s'arrêta au coude, surprenant la conversation du docteur McCall avec Jérémy. Je ne comprends vraiment rien à rien. Selon toi, elle était en phase terminale et là, je ne retrouve absolument rien. Je ne veux pas savoir ce que tu lui as injecté, question d'éthique. Tu sais que j'aurai l'obligation de te dénoncer. Cependant, c'est tellement incroyable que je ne vais rien dire ni faire. Je ne t'ai jamais vu, ni ton ami. Par contre, si tu obtiens d'autres résultats, envoie-moi un courriel, d'accord? Je n'en sais rien. Tous les tests que j'ai faits en labo ont failli au bout de 5 à 8 ans. J'ai injecté ce produit à une dizaine de patients en fin de vie, avec leur plein accord, cela va sans dire, et dans le cadre toujours de la recherche. Tous, sans exception, sont morts au bout de ce laps de temps et dans d'atroces souffrances. Je me suis demandé bien des fois si cela en valait la peine, car même la morphine ne faisait quasiment plus effet. Certains sont morts à cause de la souffrance que cette saloperie leur infligeait. Je n'ai pas eu le courage de le dire à Harmonie, et je commence à le regretter sérieusement. Me pardonnera-t-elle un jour? La jeune femme s'avança, blême. J'ai entendu ce que tu as dit. Ne te flagelle pas, je t'en prie. La souffrance que je ressentirai vaudra bien ces quelques années de vie en plus que tu m'as accordées. Je ne veux pas que tu t'en sentes coupable. Et de plus, je suis certaine que ceux à qui tu as procuré ces années de plus ne t'ont pas accusé, n'est-ce pas? Non, c'est vrai, mais il n'y a pas de mais. Merci, docteur, dit-elle en se tournant vers le praticien. J'ai été enchantée de faire votre connaissance, rapide, certes, mais tellement instructive. Je vous souhaite une excellente journée. Elle lui serra la main et se tournant vers Jérémy. Nous y allons? J'ai droit à une visite surprise, je crois. Pas de temps à perdre dans ces cas-là, je suis impatiente.